public. Pour faire de la politique, il faut d'abord choisir son camp à droite, à gauche, et pourtant il y a certains ambitieux qui aillent même à se mettre au milieu. Les extrêmes n'en parlons pas, la démocratie connaissent pas, la démocratie connaissent pas, la démocratie connaissent pas. Je vous explique, pour faire de la politique, il faut choisir un chef valeureux et sans grief. Pas d'opé à de fausses factures, un intègre honnête et pur. À la tribune fier et droit, comme un ténor il chantera, comme un ténor il chantera, comme un ténor il chantera. De la politique, il faut maintenant une équipe jeune, dévouée et dynamique, qui n'a pas peur du terrain, disciplinée et plein d'entrain, qui dans chaque situation aura réponse à vos questions, aura réponse à vos questions, aura réponse à vos questions. Explique, pour faire de la politique, il faut bien sûr des électeurs, des citoyens vénérateurs, qui portent au nu leurs idoles, s'imbibent de leurs paroles, et qui après avoir voté, s'aperçoivent qu'ils sont bernés, s'aperçoivent qu'ils sont bernés, s'aperçoivent qu'ils sont bernés.